Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 mai 2017. Voici les grands titres de cette édition. Une démocratie sans presse libre, faut pas rêver. C'est en substance le rappel du journaliste et ancien président Sylvestre Ntibantunganya à l'occasion de la célébration de tous les 3 mai de la journée internationale de la liberté de la presse. Et dans sa déclaration à l'occasion de cette journée mondiale, le secrétaire général de l'ONU lance un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes. Un décret mettant en place une commission qui sera chargée de proposer les amendements apportés à la Constitution burundaise a été signé par le président de la République. Vous en saurez davantage dans cette édition avec des réactions de politiques à ce sujet. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire, le président burundais a signé le 15 mars dernier un décret portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution. Elle a une durée de 6 mois qui peut être prorogée de deux mois seulement à partir de la signature du décret pour avoir proposé au gouvernement le projet de Constitution amendé. Léonce Vitalio nous parle un peu du contenu du décret. Selon le décret, cette commission, qui est placée sous la présidence de la République, est composée de 15 membres, nommés eux aussi par décret. Ils sont issus de 10 groupes, dont un représentant de la présidence de la République, un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique, un du ministère de la Justice, 3 membres des partis politiques et des indépendants politiques siégeant au Parlement, 2 des partis politiques de l'opposition extra-parlementaire, 3 représentants des confessions religieuses, un de la société civile, celui du Forum national des femmes, un autre du Conseil national de la jeunesse, ainsi qu'un représentant de l'ethnie batoua. L'article 8 du décret précise que les 15 membres jouissent d'une immunité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être ni arrêtés, ni détenus, ni poursuivis pour des actes qui relèvent de leur mandat. À l'article 15, il est dit que le quorum requis pour siéger et délibérer est de 2/3 des membres. La commission prend ses décisions par consensus ou à défaut à la majorité des 2/3 des participants. À la fin de son mandat, et selon l'article 17, la commission devra présenter au gouvernement le projet final d'amendement de la Constitution burundaise. La durée de mandat de la commission est de 6 mois à compter de la date de signature de ce décret. Ce mandat peut être prorogé pour une période ne dépassant pas 2 mois. Mais en attendant, les membres de la commission ne sont pas encore nommés. Merci Léonce. Au chapitre des réactions à ce sujet, le parti Sabanyafro de Bunyakuri estime que les articles de la Constitution qui devraient être amendés sont entre autres l'harmonisation de l'année budgétaire dans toute la communauté est-africaine, le pourcentage de 2% exigé pour que chaque parti siège au Parlement, ainsi que le remplacement de 2 vice-présidents par un Premier ministre. Kefa Niwizi, président de ce parti, précise que la notion de mandat présidentiel n'est pas une grande préoccupation dans ce parti. Nous sommes d'accord que la constitution actuelle devrait être amendée et parmi les articles que nous considérons qui devraient être revus, là nous dirons les articles qui étaient là pour gérer le gouvernement, le premier gouvernement de la période post-transition. Il y a aussi les articles qui gèrent l'adoption de la loi de finances. Il faut que cette adoption se conforme à l'IAC, ça veut dire que l'année financière devrait commencer au mois de juillet. Il y a également l'article 169 qui fixe à 2% le pourcentage que chaque parti politique devrait avoir pour être membre du Parlement. Nous estimons que ce pourcentage devrait être élevé parce qu'un député est élu au niveau de la circonscription provinciale. On devrait donc considérer ses résultats au niveau de sa circonscription et non pas au niveau national. Il y a également l'article 129 qui fixe les modalités de formation du gouvernement. Nous estimons qu'on devrait donner l'attitude au chef de l'État de mettre dans son gouvernement des techniciens qui ne font pas nécessairement partie des partis politiques qui ont eu 5%. Et nous disons aussi que les 2 vice-présidents devraient être remplacés par le Premier ministre. Lors du dialogue piloté par la CNDI, il y a des Burundais qui ont proposé que le président de la République peut continuer à diriger le pays sans limitation de mandat. Est-ce une préoccupation au parti Sabanyafro Debout Iragi Gandadaye? La notion de mandat présidentiel n'est pas une très grande préoccupation. Pour nous, ce qui est très important, c'est qu'il y ait des élections justes, transparentes et libres, où un chef de l'État est élu dans des élections qui ne sont pas susceptibles d'être contestées. Cela étant, si on limite le mandat présidentiel, si on ne le limite pas, pour nous, ce n'est pas un problème. Ce qui est très important, c'est que le président de la République qui va diriger le pays soit le président qui a été élu dans des élections libres, transparentes et démocratiques. Voilà, c'était le président du Parti Savagne, Frodibou. C'est dans l'après-midi de ce mercredi que les émissaires du facilitateur Benjamin Mkapa vont commencer à rencontrer différentes parties impliquées et concernées dans le conflit burundais. Pendant 3 jours, ils auront à rencontrer les leaders des femmes, des jeunes, des ONG, des confessions religieuses et des partis politiques qui n'ont pas été conviés à la dernière session du dialogue de février qui s'est tenue à Arusha. Au chapitre politique, nous reviendrons sur la réaction de Tassien Sibomana qui trouve que c'est inopportune de réviser la constitution en ces temps-là. Il est 13h03 à Bujumbura. En sexagénaire de Rushubi, chef-lieu de la commune Isare, nous sommes dans la province de Bujumbura, a été tué par des inconnus dans la nuit de ce mardi. Selon l'administrateur de la commune Isare, Feu Gilbert Naïsaba a été tué par balle lorsqu'il étanchait sa soif dans un débit de boisson se trouvant au chef-lieu de la commune Isare. L'administrateur Gilbert Nyonguru indique que le mobile de cet assassinat reste inconnu, mais que des enquêtes policières sont déjà en cours. L'administrateur communal d'Isare a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. C'était à 19h, au moins 5 minutes. Toute la population était encore dans les cabarets. Il y a des gens qui sont venus arriver dans le cabaret où il y avait 2 personnes. Ils ont tiré directement ces 2 personnes et une a directement rendu son âme. Et après avoir tué 7 personnes, ils ont aussi lancé quelques balles dans l'autre cabaret où il y avait les forces de l'ordre et ils ont repliqué. Quel est le mobile de cet assassinat? À l'heure qu'il est, on ne connaît pas encore le mobile de cet assassinat, mais ceux qui sont chargés de faire des enquêtes sont en train de le faire et l'on espère que ces enquêtes vont aboutir d'ici peu. Quel est le qualificatif que vous donnez à ce genre d'attaque contre les gens paisibles qui sont dans un bistrot? Le qualificatif que nous pouvons donner à de tels actes, ce que nous trouvons qu'il s'agit des actes de terrorisme, puisque personne ne peut comprendre comment l'on peut chaque fois chercher à venir tuer les gens qui sont aisés entre d'étancher leur soif. Ce n'est pas pour la première fois qu'une attaque similaire se déroule dans un bistrot où les gens sont en train d'étancher leur soif. On se rappelle de l'assassinat de l'ancien administrateur de la commune Isare. Qu'est-ce que vous comptez faire pour sécuriser ces lieux de rassemblement? Nous sommes en train de faire, de continuer à renforcer les comités mixtes de sécurité, quitte à ce que tout le monde sache que la sécurité n'est pas l'apanage des forces de l'ordre seulement, mais l'affaire de tout le monde. Aussi, l'on va continuer à travailler dans la quadrilogie, quitte à ce que les forces de l'ordre, la justice, aussi la population, ainsi que l'administration puissent continuer à travailler ensemble. C'était l'administrateur de la commune Isale au téléphone avec Évariste Nzikobanyanga. Je venais de vous le dire au chapitre des réactions sur la mission, la mise en place de la commission qui sera chargée de proposer des projets d'amendement de la Constitution. Tassian Sibomana, il est acteur politique. Il trouve inopportune la révision de la Constitution. Le dialogue inter-burundais n'aura plus d'effet si la Constitution était aujourd'hui révisée, dit-il. D'abord, je me réfère à l'article 299 de la dite constitution qui dit que aucune procédure de révision n'est recevable quand elle peut porter atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la réconciliation des Burundais, aux principes démocratiques, à la souveraineté. Est-ce que si on procède à la révision de cette constitution actuellement, n'est-ce pas une violation de cette disposition? Vous révisez la constitution actuellement, c'est que vous mettez les bâtons dans les roues dans ce processus de dialogue inter-burundais qui se retrouvera sans objet. Donc vous comprenez que ce processus de révision n'est rien d'autre que la négation du processus de dialogue inter-burundais dans lequel tout le peuple burundais, toute la sous-région, toute la communauté internationale ont placé espoir pour redonner l'image du Burundi, pour redonner l'espoir de revivre le Burundi paisible, sécurisé et enfin remettre le Burundi sur les rails de la démocratie. Donc vous procédez à cette révision en ne se fiant pas de ce processus de dialogue. Vous démontrez aux yeux des Burundais du monde entier que vous ne voulez rien de ce qui va consacrer la fin de ce dialogue. Tassien Sibomana, il est acteur politique. Ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Il est 13h07 à Bujumbura. Parlons maintenant de la date d'aujourd'hui, le 3 mai, pour la célébration de la liberté de la presse. Les difficultés d'accès aux sources officielles de l'information, des radios qui ont été détruites et suspendues sont entre autres défis relevés par certains journalistes pour la liberté de la presse au moment où le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à la liberté de la presse. Il propose l'accélération des procès impliquant les radios afin de rouvrir les médias fermés. Je peux dire que cette liberté a régressé. Ce qui montre que la liberté de la presse a régressé au Burundi, nous les journalistes, nous avons beaucoup de difficultés d'arriver sur le terrain pour recueillir à la source l'information, même la population, même le peuple burundais. Maintenant, il n'a pas cette volonté de donner l'information en craignant pour sa sécurité. Deuxième problème, c'est que jadis, tu arrivais sur le terrain et la population les autorités te donnaient directement l'information. Mais maintenant, on demande qui es-tu, on demande pourquoi tu es venu, pourquoi tu n'as pas demandé la permission aux autorités habilitées. Et parfois, tu retournes au studio sans information, soit disant que tu n'as pas demandé la permission. La demande est unique. Il faut que ces radios qui sont vues fermées aujourd'hui se voient réouvertes parce que dans ces radios, il y avait nos confrères qui travaillaient, qui exerçaient leur métier, leur travail. Aujourd'hui, ils errent dans les rues. Et certains d'entre eux ont fui le pays, ils sont dans les pays limitrophes, ils sont ailleurs, ils sont en Europe, en Asie, partout dans le monde. Et cela, c'est une entrave aussi, parce que la famille de ces journalistes, aujourd'hui, copie, c'est dans la misère. Et ces radios qui hébergeaient pas mal de gens, qui faisaient vivre pas mal de familles, ces familles aujourd'hui copient aussi dans la misère. C'est vraiment un échec pour le pays, c'est vraiment, je dirais, un problème familial. Aujourd'hui, en fait, la journée internationale de la liberté de la presse, ce n'est pas du tout facile dans ces moments. Il y a un côté où il y a ceux qui travaillent et un autre côté, il y a ceux qui ne travaillent pas comme ils le veulent. Par exemple, ceux qui travaillent, ils vont sur terrain pour recueillir des informations. Ce n'est pas facile parce que il y a des fois où on a besoin d'équilibrer et tu cherches une autorité administrative, il te dit « j'ai pas du temps ». Voilà, c'était le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. Le métier de journalisme n'est pas facile ces derniers jours parce qu'il y a certains détenteurs de l'information qui soupçonnent les journalistes locaux de travailler avec les médias non reconnus par la loi burundaise. Suivez le témoignage de notre consoeur Space Caritas Kabanyana et les correspondantes de votre station Isanganiro à Bubanza. C'est des problèmes d'accès à l'information ces derniers jours. Mes sources d'information m'accusent de collaborer avec certains médias étrangers non reconnus par la loi burundaise, entre autres Zamba et Humura. Il y a des informations, des extraits d'interviews même que je donne au médium pour lequel je travaille, la radio Isanganiro. Les mêmes interviews sont entendues sur Humura et Zamba. Ceux qui m'ont fait l'information se tournent contre moi et m'accusent de travailler pour ces médias étrangers. J'ai essayé de que les informations de la radio Isanganiro sont postés sur Internet et qu'à partir de l'Internet, ces médias étrangers parviennent à tirer des passages dont ils ont besoin et en font ce qu'ils veulent. Malheureusement, mes sources d'informations ne comprennent pas du tout. Comme ça, certaines informations, comme conséquence, me sont refusées. Un autre problème, nous travaillons sur terrain. Les chefs de service, quand on cherche à équilibrer l'information, nous disent que le ministère les a interdits de donner l'information, que le ministère a mis en place des porte-paroles. Vous vous imaginez, je suis en train de faire un reportage des faits en commune Moussiga, juste à la rivière de la Kibira. J'ai déjà collecté toutes les informations. Au moment où je cherche à équilibrer l'information, un chef d'un district sanitaire m'a dit, tu vas chercher un porte-parole. Il y a même des moments où ces porte-paroles dont on parle n'ont pas encore eu le rapport. Space Caritas Kabanyana, c'est notre correspondante à Bubanza. Et le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme appelle les responsables des médias et les pouvoirs publics à dialoguer pour promouvoir la liberté de la presse. Jean-Baptiste Baribonekeza constate que ces deux dernières années, la presse a connu des moments durs. Il estime que la presse burundaise est aujourd'hui une entreprise à rebâtir conjointement par le Conseil national de la communication, la justice, le gouvernement et les professionnels des médias, chacun en prenant ses responsabilités. On l'écoute. La presse au Burundi, c'est une entreprise à construire ou à reconstruire, pour ainsi dire. Je pense premièrement au CNC. Le CNC, je pense, doit être suffisamment outillé pour faire son travail de régulation. Et je pense que tout viendra vraiment de là. J'ai eu un échange assez profond avec les différentes parties prenantes à ce qui est de la liberté de la presse. Et j'ai vraiment noté qu'on aurait pu éviter, par exemple, la catastrophe du 14 mai si le CNC avait agi à temps. Je pense deuxièmement à l'État, bien sûr. L'État doit continuer à tout mettre en œuvre pour continuer à assainir le climat. Parce que l'État a la responsabilité de la sécurité de tout le monde, et les journalistes. Il a la responsabilité, n'est-ce pas, de créer les conditions qui permettent à ce que la liberté de la presse puisse être exercée dans toute son ampleur. Et que, par exemple, il n'y ait pas de situation de voie de fait. Par exemple, comme ce qu'on a vu le 14 mai. Donc, l'État vraiment doit tout faire pour éviter les situations où les gens en viennent en main pour régler certains problèmes. Bonne volonté aussi du côté, bien sûr, des professionnels des médias. Je pense qu'il faut beaucoup de travail de professionnalisation au regard de la situation qu'on a vue et de ce qu'on continue de voir. Par exemple, la qualité des rapports des médias qui doivent être factuels, n'est-ce pas, avant d'être analytiques. Ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut vraiment qu'au niveau des professionnels des médias, les gens regardent. Quelles sont les choses qui aident à la presse de garder son indépendance aussi par rapport aux différentes interférences politiques qui n'ont peuvent pas manquer. Alors, un dernier message irait justement du côté des autorités de la justice qui, en tout cas pour l'instant, ont le dossier en main. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour faire avancer la situation de la presse dans le contexte actuel, en tenant compte évidemment des différentes responsabilités, des différentes sensibilités. Donc, je pense que si, par exemple, les dossiers qui sont en justice peuvent avancer le plus rapidement possible, je pense que ça aiderait, n'est-ce pas, à encourager, n'est-ce pas, ce dialogue que nous demandons entre l'État et les responsables de la presse. C'était Jean-Baptiste Baribonekeza, il est président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et le président Sylvestre Ntibantunganya appelle les médias et le pouvoir public de jouer chacun son rôle pour le rétablissement de la liberté de la presse. L'ancien président burundais dit être surpris de la réticence de certaines autorités à donner de l'information. Fort de son expérience de journaliste, Sylvestre Ntibantunganya plaide pour la confiance les uns envers les autres, pour la liberté de la presse comme pilier de la démocratie. Sylvestre Ntibantunganya est au micro d'Alain Désiré Bokeyeneza. Pour parler de la liberté de la presse au Burundi, je pense qu'il faut remonter loin, dans les années 1990. C'est là où on a commencé à voir la société et l'État burundais s'ouvrir au pluralisme. Le pluralisme politique, le pluralisme médiatique, le pluralisme au niveau de la société civile. C'est pour dire que les médias, dans leur fonctionnement libre, ont une place importante pour l'alimentation et la vitalisation de la démocratie. J'espère que personne ne peut remettre en cause au Burundi. Cela étant, je pense donc qu'aujourd'hui, il est temps que les uns et les autres fassent les efforts nécessaires pour voir comment la presse burundaise et les médias s'organiseraient et fonctionneraient librement. Mais la liberté doit être conjuguée également, quand on connaît les épreuves par lesquelles ce pays est passé, doit être conjuguée avec la responsabilité. Quel est l'appel aux uns et aux autres, aux médias et aux pouvoirs publics? Avoir d'abord la foi dans la nécessité des médias pour alimenter et vitaliser la démocratie, avoir la foi. Parce que quand on a la foi, s'il y a des problèmes qui s'opposent, à ce moment-là, on essaie de trouver comment y répondre en détectant quelles sont les responsabilités qui incombent au pouvoir public, quelles sont les responsabilités qui incombent aux médias. Vous savez, il y a des exigences de part et d'autre. Quand j'entends par exemple qu'il y a des responsables publics qui ne répondaient pas aux journalistes quand ils leur posent des questions, je me dis, mais ils se trouvent dans quel monde? Quand j'entends des journalistes qui manipulent des informations pour des causes non avouées, je me dis, c'est quel journalisme qu'ils exigent? Mais ces fautes-là ne signifient pas qu'on doit remettre en cause et handicaper la liberté de la presse. On doit plutôt savoir s'épanouir au profit de la démocratie qui elle-même, on le sait, est un ciment important de la paix. Voilà, c'était le président Sylvestre Nibantunganya, ancien journaliste. Alors que donc le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse au Burundi, on reste toujours sans nouvelles de notre confrère du groupe de presse Iwachu, Jean-Louis Grimana, disparu le 22 juillet 2016. Une centaine d'autres confrères burundais sont en exil depuis 2015 et trois radios indépendantes détruites depuis 2015 n'ont pas encore eu l'autorisation de reprendre les programmes. La liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée comme l'a constaté Reporters sans frontières, RSF, dans son dernier rapport sur la question et qui classe le Burundi à la 160e et sur les 180 pays à travers le monde. Même si le Burundi est classé noir par cette organisation, considérant que la situation y est très grave, le Conseil national de la communication, CNC, n'est pas d'accord sur cette analyse, puisque n'ayant pas été consulté, ce conseil présente officiellement, en ce moment où je vous parle, son rapport annuel 2016. Pas donc de détails pour l'instant, l'on en saura davantage dans nos grandes éditions de la soirée. Et dans sa déclaration à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes. Pour Antonio Guterres, je cite, « Nous avons besoin de personnalités fortes pour défendre la liberté des médias. C'est là une exigence primordiale pour faire barrage à la désinformation ambiante. Chacun d'entre nous doit se battre pour défendre le droit à la vérité. » Fin de citation. Et pour clore ce journal, 5 920 litres de mazout ont été saisis par la police ce mardi dans trois ménages de la zone Guihamagara de la commune Itawa en province de Gitega. L'adjoint du commissaire provincial de la police dans cette province précise que ce carburant appartient à la SOGEA Satom et que toute cette quantité a été remise à cette entreprise de construction. La police indique qu'elle est à la recherche de ces voleurs. Il est 13h19 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle quelques grands titres. Une démocratie sans presse libre, faut pas rêver, c'est en substance le rappel du journaliste et ancien président Sylvestre Nibantunganya à l'occasion de la célébration de tous les 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. Dans sa déclaration à l'occasion de cette Journée mondiale de la liberté de la presse, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes. Et vous l'avez suivi, un décret portant création d'une commission qui sera chargé de proposer les amendements apportés à la constitution burundaise a été signé par le président de la République. Vous avez suivi le compte rendu de lecture de ce document avec des réactions des politiques. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal, mis en onde par Jean Dodieu, Ndaïsenga, au micro Jean Bosco, Ndouimana. Merci à vous tous, merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Bon après-midi.